Je vous avais posé plusieurs questions à propos du texte de Giordano Bruno. La première, c'était de savoir sur quoi repose l'idée que le monde serait fini et limité selon le texte. Donc, Giordano Bruno, c'est un partisan de l'idée sur laquelle l'univers est infini. Il s'oppose ici à l'idée sur laquelle le monde serait fini. Cette dernière, c'était un petit peu la, en tout cas, c'était la thèse qui était principalement admise à son époque, thèse qui venait des écrits sur la physique d'Aristote. Donc pour qui le monde était une sphère délimitée par une membrane externe sur laquelle étaient fixées les étoiles. À l'extérieur de cette sphère, il n'y a rien, voilà, le monde est limité à cette sphère, et c'est à l'intérieur de cette sphère que se trouvent les astres qui en mouvement avec la Terre au centre de cette sphère du monde. Bon, eh bien, selon Bruno, cette idée d'un monde fini et limité, elle est fausse, mais surtout, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de notre appréhension sensible de la réalité. Qu'est-ce que c'est que cette appréhension sensible? C'est le fait que nous percevons le monde à l'aide de nos sens, hein, la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Et c'est-à-dire les facultés de certains de nos organes, notre peau, nos yeux, d'être stimulés par les choses extérieures. Hein, nous recevons des signaux du monde extérieur. Voilà, par exemple, la lumière vient percuter les objets et se répercute sur notre rétine. Et donc nos cellules rétiniennes vont transformer ce signal en signal nerveux, hein, ce qui va donner lieu à une représentation du monde extérieur. Et c'est ça qui nous permet, voilà, de nous faire une idée des choses. Bon. Donc nous avons l'impression que le monde est limité. En fait, pourquoi? Parce que notre perception de la réalité, elle est elle-même limitée. Parce que nos sens ont une puissance, hein, puissance limitée, hein, une puissance perceptive, hein, c'est l'expression qu'emploie Bruno, une puissance perceptive limitée. Et donc il s'agit bien pour lui de dire que c'est une mauvaise justification. On ne peut pas fonder nos connaissances du monde là-dessus. Il ne faut pas confondre ce qui nous apparaît et la réalité. Hein, le monde perçu et le monde réel, c'est pas la même chose. Bon. Alors, un premier argument qu'il utilise pour montrer que c'est une idée incorrecte, ça consiste à rappeler, ce qui est un peu une évidence, le fait que c'est pas parce que nous cessons de percevoir une chose que celle-ci cesse d'exister. Voilà, vous regardez la table, vous tournez la tête, vous ne voyez plus la table, c'est pas pour ça que la table n'existe plus. Alors ça, c'est évidemment, c'est quelque chose que nous savons tous, hein, à moins de sombrer dans la folie. Espèce de solipsisme, c'est-à-dire l'idée de croire que moi seul existe, seul mon esprit existe, le monde n'est qu'une illusion. Bon, c'est une thèse vraiment très très radicale et qui est difficilement soutenable. Bon, en fait, nous faisons la même chose, c'est ça que nous dit Bruno, c'est qu'en fait, nous commettons la même erreur lorsque nous croyons que l'univers se réduit au monde observable depuis notre position. Sur Terre, voilà, je regarde le ciel, et puis en fait le monde, ça se limiterait à ce que je vois. En fait, c'est exactement la même erreur que lorsque je crois que quand je tourne la tête, la table n'existe plus. Bon, donc ce que souligne Bruno, et puis plus largement d'autres penseurs de son époque, c'est que les sens ne constituent pas manifestement une base solide pour établir nos connaissances de la nature. Hein, il prend le pied de la position aristotélicienne, parce que pour Aristote, ce qu'on avait vu en étudiant notamment le tout début de son ouvrage La Métaphysique, les sens, c'était pour nous la source première, la base de notre connaissance. C'est à partir de notre perception que notre savoir était élaboré. Donc, pour les penseurs de la révolution scientifique, alors certes, ils vont mettre en avant la notion d'expérience. Hein. Pour eux, nos connaissances, elles doivent s'appuyer sur l'expérience. Mais ça ne peut pas être la simple expérience sensible, c'est-à-dire l'accumulation des perceptions, parce que nos sens sont limités et même souvent trompeurs. Voilà. Alors, autre point que je vous demandais de faire, c'était de rechercher un petit peu ce que c'est qu'un raisonnement par l'absurde. Parce qu'on va voir qu'il utilise un petit peu ce type de raisonnement dans cet extrait. Donc, qu'est-ce que c'est que le raisonnement par l'absurde? C'est le raisonnement qui consiste à prouver un énoncé, enfin pour prouver un énoncé, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va montrer que l'énoncé inverse, l'énoncé contradictoire, conduit à des conséquences qui sont absurdes, qui sont contradictoires elles-mêmes. Donc si je veux montrer que l'énoncé P est vrai, eh bien je vais d'abord chercher à montrer que l'énoncé non P est absurde. Voilà, c'est ça un raisonnement par l'absurde, c'est un raisonnement qu'on utilise bon, en philosophie, mais aussi en mathématiques. Donc au lieu de prouver positivement un énoncé, eh bien, je prouve que son contraire est faux. Donc je vais prouver l'énoncé que je veux montrer de façon négative. C'est ça l'idée de raisonnement par l'absurde. Pour expliquer ça plus clairement, je vais montrer en quoi Bruno utilise ce type de raisonnement dans le texte. Ben, en fait, parce que pour montrer que le monde est infini et non pas fini, comme peuvent nous le faire croire nos sens, ben Bruno va montrer les conséquences absurdes que cela aurait si les informations que nous donnent nos sens étaient toujours vraies. Puisque c'est là-dessus que repose l'idée que le monde est fini. Va prendre un exemple très simple. Lorsque nous observons un paysage, voilà, un paysage, on a une large vue, on voit un paysage assez loin, ben certains objets éloignés, ils peuvent paraître, on a l'impression de loin qu'ils se superposent. Donc si l'information transmise par nos sens était, par notre vision en l'occurrence, était vraie, bah, les objets qui ont l'air de se superposer, ça voudrait dire qu'ils sont vraiment confondus et collés les uns aux autres. Alors qu'en réalité, ces objets, ils peuvent simplement être situés sur le même axe par rapport à nous, et en fait être éloignés les uns les autres, être juste alignés les uns derrière les autres, mais en étant loin. Comme par exemple, voilà, vous regardez deux montagnes éloignées de loin, vous pouvez avoir l'impression que les deux montagnes ne forment qu'une, ou en tout cas qu'elles sont vraiment très proches l'une de l'autre. Alors qu'en fait, simplement, celle qui est derrière est assez grande et en fait, elle a l'air proche de la première, mais en fait, elles peuvent être tout à fait loin l'une de l'autre. Donc, bon, évidemment, ça, on en est conscience quand on regarde un paysage. On en a conscience quand on regarde le paysage. Mais on voit bien que ça ne marche pas. Hein, c'est une conséquence cette conséquence, le fait de croire qu'elle serait confondue, c'est absurde. On s'en rend bien compte quand on constate un paysage, mais il en va de même lorsqu'on regarde les astres. Il nous dit, les anciens, notamment Aristote, lorsqu'il nous disait que le monde se limitait à cette sphère céleste et sur cette sphère extérieure, les étoiles étaient toutes situées, ben, il commettait en fait la même erreur. En considérant que les étoiles étaient toutes situées à même distance de la Terre, eh bien c'est une conséquence absurde. De notre perception. Donc, de même que les montagnes qui nous paraissent confondues à l'œil nu sont en réalité éloignées les unes des autres, ben les étoiles qui nous paraissent être à équidistance, c'est-à-dire à même distance par rapport à la Terre, ben elles peuvent très bien être très éloignées les unes des autres. Et en fait, il nous dit, la luminosité perçue depuis la Terre, elle nous dit rien de la taille des étoiles. Alors c'est vrai que certaines étoiles sont plus brillantes que d'autres. Donc, on pourrait croire que c'est parce que certaines sont plus grandes que d'autres. Mais en fait, il nous dit, ben, ça peut être très bien parce qu'elles sont plus éloignées. Mais ça, on ne peut pas vraiment le savoir parce que nos sens ne sont pas capables d'estimer ça. Alors, aujourd'hui, on a des instruments beaucoup plus perfectionnés qui nous permettent d'estimer cela, mais juste nos yeux, parce que c'était à l'époque de Bruno et plus encore à l'époque d'Aristote, on s'appuyait essentiellement sur nos sens, mais nos sens, ils sont incapables de traduire ce genre de données. Et c'est pour ça que tout ce système de pensée selon lequel le monde était fini, mais qui reposait sur notre perception sensible, ben ce système-là de pensée, il ne fonctionne pas selon Bruno. Et donc, bon, Bruno, lui, va soutenir cette position, il va refuser de se rétracter quand l'Église va le condamner. Et donc finalement, bah, il va être condamné à mort et il sera immolé, hein, donc condamné à mort par le bûcher.